émission avec de la gaieté, du rythme. Il n'y en a plus de rythme en 2013. Il n'y en a plus toujours. Les gens sont là. Avec on attend. Que la queue le. Vas-y. Que la queue le. Que dans les, hein, on attend. Au guichet automatique, on attend. À la caisse, on attend. Notre tour, on attend. Jonathan, t'attends? Oui, j'ai attendu, mon enfant. Je te pardonne, premièrement. Premièrement, je te pardonne. OK? Deuxièmement, j'ai attendu parler qu'on attendait souvent au Québec. Mais imagine-toi en Russie, toi. Tu fais la filée, il y a 350 personnes pour acheter leur steak le soir, là, pour le repas. Ils ont faim, ces gens-là, là. C'est pas parce que c'est des Russes qui mangent pas, ça boit, mais ça mord! Fait qu'elle est là, il attend 350 personnes devant le boucher. Il est là devant la petite dame, là. Oui, vous dites? En russe, là, oui, oui, la sirine. C'est du russe. Ah, moi, j'étais à minuit 11, je vous dis solennellement que c'est du russe. Mais vas-y, russe maintenant. Et moi, j'ai peur de ça quand je suis proche d'une russe, là, parce que les abeilles sont à côté. Non, tu te trompes avec une ruche. Là, c'est des russes, pas des ruches. Ah! Oh. Pas la même famille, pas du tout. Une ruche, c'est la maison des abeilles. Une ruche, c'est la maison des enfants. OK? Ben oui, une ruche va faire des petits-enfants. Hein? Plus la madame va faire des petits-enfants, plus il va y avoir de russes. Oui, mais la ruche, plus les abeilles vont travailler, ils vont faire du miel. Mais dans les deux cas, ils enfantent de quelque chose. Et toi, t'es trop intelligent pour ton peuple. Tu devrais être... On t'exclut d'être premier ministre, t'es trop intelligent. Faut des gens avec des égos extrêmement prononcés pour être premier ministre, président, vice-président. Moi, je suis un cadre, moi. Ah oui, pas de photo, pas de face. Regarde-moi la face. Là. Et ça, c'est pas vendable, ça, là. Même si on veut revamper le tout, là. Ah, c'est... Même revamper le trou, il n'y a rien à faire, moi. Même chanteur, hein. En avant ou en arrière, moi. Ah, c'est... Le fumet. Moi, les abeilles ne m'approchent pas. Ils veulent même pas me piquer une jasette. Ils veulent même pas me piquer une jasette. Et parlez-moi, les mouches. Ah, surtout le vendredi, moi. Je suis à l'extérieur, là, au mois de décembre. Là. Allez-y, les mouches. Venez me parler, là. Les abeilles, venez me parler, là. Volez-moi une discussion. Prenez-moi une discussion au vol comme ça, là. Il n'y en a pas une maudite. Qu'est-ce qu'ils font? Travaille fort. Ouais, mais moi, je prétends que ce n'est pas vraiment le boulot qui les active, mais plutôt le froid qui les inactive. Le froid? Ben oui. Là, on est à l'aube de l'hiver. Oh! Gaétan, un, deux. Roger. Le son. Le son. Le son 2. Ne pas frapper sur le micro. Le son 1, il fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Les roses sont en bois. 4, 5, 6, 4, 5, 6. Cueillez des bêtises. 7, 8, 9, 7, 8, 9. Dans un panier 9. 10, 11, 12, 10, 11, 12. Bon, je sais, vous saviez pas. Bon, moi, rouge, les affaires de rouge. Mais elle était toute rouge. Ah, OK, la pomme. Ah, bon, moi, j'ai la pomme toute rouge. Ah, c'est... Quand j'appelle, là, madame... Ouais, c'est j'ai un dossier ouvert, moi, là. Pas juste un dossier, venez voir l'appeler. Ah, c'est bien. Ouais, moi, il me faudrait une infirmière. Tout est rouge chez moi, là. Ah, c'est même le compte. Fait qu'il faudrait que ça soit. J'aimerais bien que ça soit gratos. Ça veut pas être gratos. Ouais, mais je suis au Québec, moi, là. Il y a quelqu'un au Québec qui a dit que l'assurance maladie, ça existait, c'est la petite carte soleil, là. Ouais. Ouais. Oui, je l'ai. Elle n'est pas expi... Ben voyons donc, Service privé? C'est pas une escorte que je veux, c'est une infirmière, madame... Mais? Mike? Bon, oui, je m'ac... Bon... Ma... Faut me déplacer, déplacer, regardez-moi ça. Je peux pas sortir, les gens vont voir. Mais... Ouais, mais j'ai... OK. Mais là, je peux... Non, mais oui, je suis en train de stream, madame. Je bourgeonne actuellement, je bourgeonne. Pardon, non, ça, c'est... Ouais, vous m'a... Ben, c'est moi, je suis animateur de... Ben oui, comme... C'est quoi? Ben, c'est ça, madame. Bon... Ben oui, je t'aime. Ben, madame, vous êtes extrêmement charmante. Je vous embrasse partout. Ben, venez, avez-vous une formation en infirmière? En soi... Ben, venez me voir à la maison. Ben, voyez, j'ai fait des bons crétins. On va se les manger à deux. Avec un bon pain baguette. À quoi tu... Non, non, madame. Elle n'a pas raccroché. Ben, oui. À quoi... Ben, vous êtes infirmière. On peut pas amener ça avec vous. Ben, amenez-en deux bouteilles. C'est pas de la collection, là. C'est du bon vin, là. Ça vient de Bordeaux, là. Ouais. Pardon? Non, non, je suis pas assoiffé. Non, mais est-ce que j'ai l'air d'un homme assoiffé, madame? Assoiffé de tout? Assoiffé de... Vous êtes charmante. Que vous êtes jolie. Ben, je ne l'ai pas encore vu, là, mais... Ouais. OK. Bon, je peux... Ben, venez voir à CKRL, je suis là, là. 400... Prenez votre crayon, votre papier. Oui, je suis très patient, madame, moi. Ça fait 2h30 que j'attends à boucherie pour m'acheter mon petit... ouais, ma petite bavette. Ouais. Je pense qu'il reste des oignons, moi, des bavettes, pas d'oignons. Ouais, ah, ben ça, c'est pas... Ben, ouais. OK, là, je vais vous dire mon adresse. Ben, c'est pas... Je dors au sous-sol de CKRL. Ils m'ont placé à côté du compresseur. Il n'y avait plus de place. Oh, je vais vous raconter ça. Avez-vous deux, trois petits collègues féminins? Ben, moi, parce que moi, ben, ouais, c'est sont bêtes, hein, ces gens-là. Bon. Parfait. 405-44-Q-U-A-T-R-E, espace 5, C-I-N-Q, oui, espace 50... Quoi? 404... Madame, bingo! Non, ben, bougez pas, madame. 405, CNQ, le Q, ouais, CNQ. 3e avenue. Ben, ouais, c'est à Québec. C'est au coin de la... C'est très... Madame, ça, là, c'est comme New York. Avez-vous déjà vu New York? Daniel Lavoie, oui, j'ai jamais vu New York. Ouais. J'ai jamais vu New York! Heureusement. Reste chez vous, Daniel. Bon, on sort pas. Va à Anne-Alberta, là, puis bon. On t'aime de même. On t'aime, non, nous, on aime tout le monde. Chez eux. Dans leur place. Bon. Même chez eux à la maison, là, pas chez... Bon. Oui, c'est au coin de la 4e rue, de la 3e avenue. Ça embrasse les deux. Pardon. Ça embrasse les deux. Ouais. Ben oui. Hein? OK. Alors, je vous attends. L'émission finit à 2. Amener une ambulance, ça pourrait être... Ben voyons. OK. Ouais, au revoir. Oui? Et tout l'enfant terrible de la radio? Effectivement, M. Coulombe, merci de me le rappeler. Là. Je l'avais oublié. J'avais un nom en ligne. Pas un nom en ligne. En ligne, une soin, parce que ben, ça va pas bien. Ah, ben là, ça vient de moins bien aller, puisque ça en vient. Il faut que je sois malade, moi, là. Il faut que ça se moftise dans le cerveau, la maladie-là, là. Faut que pouvez-vous me brancher sur Internet pour me trouver une maladie? Pustule dilatée. OK, moi, j'ai la pustule dilatée. Regarde-moi ça. Arcan. Pustule dilatée. Et puis, fièvre. On va me placer dans... on a de l'eau chaude ici. On va me badigeonner. Badigeonne. Comment ça badigeonner, toi? Là, je vais commencer. Bonjour, bonsoir, madame, mademoiselle, messieurs. Bienvenue à l'émission Errance Renaldienne. C'est Renald Gagné, votre animateur. Très heureux de vous rencontrer, de vous voir encore ce soir, ensemble, avec moi. Nous allons avoir du plaisir. On va-tu en avoir de l'agrément? On va-tu en avoir du plaisir? On va-tu en avoir de l'agrément? Là, je reviens à moi pour... à nous. Je reviens à nous. Ah, c'est beau, ça. Hein? Bon. Je veux commencer avec une phrase que je n'ai jamais lue. En fait, que j'ai déjà rédigé il y a quelques années, j'ai trouvé dans ma boîte d'impro. Alors, on va peut-être faire une petite, deux, trois minutes, quatre, cinq, maximum 20 minutes. On va mettre de la musique, faites-vous-en pas. Tout est faux. Faux cils, fausses lèvres, faux seins. Et même, elle fait l'orgasme, la totale, quoi. Ça, c'est l'histoire d'une fille qui cartonne. Ouais, mais, monsieur, excusez, je lève la voix, parce qu'on peut pas m'entendre, me voir si je lève la main, et encore moins le doigt. J'ai le droit de dire ce que je veux dire. Attendez, monsieur, parlez-vous pas de même, là? Bon. Effectivement, il y a de la futilité dans l'air. Il y a des gens qui ne regardent que leur apparence, mais heureusement que des écrivains, des hommes de lettres, des femmes de lettres, des individus et des individus. Individus, c'est la nouvelle grammaire française. On dit des chevals, des chevaux, des crétins, des crétaux, des pétins, des pétaux, des pitous, des péteux. Et non, on dit pas. Oh, pardon. OK. Non, excuse-moi, j'ai rien. Péteux. Des péteux de brou. C'est pas passé, c'était de l'autre. Non. Jamais quand. Madame. OK. Non. Prenez pas les. Restez tranquille. Couchez au pied. Tire la langue. Bon. Donne un biscuit à madame, là. Non, monsieur aussi. Non, monsieur. Ah, oh, il est plus beau que madame. Hein? Oh, il prend la cave. Ah, oh, c'est ça. On tient de la voix, du plaisir. On tient de la voix. Tout est faux. C'est vrai. Même le cinéma. On essaie de nous embarquer dans des affaires. Quand on achète quelque chose, on essaie de nous embarquer. Moi, je vous conseille garantie 10 ans, hein? Ben, écoute, mon petit monsieur, c'est gratis, moi, le prendre. C'est pas gratis. Ben, monsieur, à peine gratis! C'est 95$, mais c'est garanti! On se foutu de la garantie. Monsieur, c'est fini, là. Quand c'est terminé, c'est cassé, c'est brisé. On arrête dans un autre. En plus, on va vous dire une affaire, mon frère. C'est calculé pour une durée limitée, comme la vie humaine. Quand il y a du monde qui fait attention, mais moi, je ne mange pas de viande. Moi, là, je fais attention à ce que je prends comme aliment. Ben oui. Tu vas crever quand même, mieux vaut manger aisément, sans trop regarder. Ah, c'est quoi, c'est du sucre calomnié, du sucre prédigéré? C'est du sucre digital. Ça nous fait mourir, là. C'est cancérigène. Le cancer, ça commence entre tes deux oreilles. La guérison aussi. Et si un jour, on flanche, parce qu'on peut en arriver à ça, au moins, on aura essayé. Quand tu n'essayes pas, tu ne vaux pas la peine. Mais quand, vas-y. Il faut gagner ton pari. Il faut que ça pleure, il faut que ça rie. La vie a pris tous ses atouts, mais elle t'attendra au détour si tu n'as pas assez d'amour. La mort, c'est une scène après le show, quand derrière ton premier rideau, tu restes seul dans le silence en espérant une autre chance. Mais la scène ne connaît pas ça. Monsieur le Président, monsieur les pas trop catholiques, les cathodiques, il y en a de moins en moins des catholiques, hein? On essaie de régler ça. Jeannette, oui, Jeannette Bertrand. Moi, je suis une Jeannette, moi, je n'ai pas peur de l'être, de le dire. Enlevez-moi ça. Comment vous êtes ostenté? Allez digérer maintenant. Monsieur le Président, messieurs les pas trop cathodiques, mesdames les voluptés et vous, chers résidents, résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, avec votre magicien du surréalisme, Rénald Le Néant Gagné. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques, votre itinérant langagé, Rénald Gagné. Vous saviez que c'était lui? Enchanté. Moi, ça va très bien, les enfants vont bien. Bon, le raton, il rote bien. Oui, je sais, c'est un début de chanson, excusez. Oui, attendez. Parfait. C'est un petit roue de musique. Aujourd'hui, le vendredi 29 novembre 2013, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole au gestionnaire. Allô? Sommes-nous en présence? D'une présence? Descente. C'est pas le moment. Attendez. Partez. Ouch, ouch. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au... Le ouch, ouch, ça, hein? Ça fait-tu envoler une soucoupe, ça? Au Québec, il y en a de la soucoupe. Et t'as deux pattes à deux pattes à deux pattes, la vraie soucoupe. On cherche la tasse. Ça, tu te dis, hey, celui-là, là, il en a pris pour sa tasse. Garde-moi la soucoupe. On n'en nommera pas, hein? Ceux qui sortent à 22 minuit, là, oh, regarde-moi ce coup, vas-y. Et si soit-il, maintenant et pour toujours, et pour des chèques et des chèques, jamais je n'aurai le temps. Il y avait quelque chose qui m'arrivait au tympan de l'imaginaire. Au tympan de l'imaginaire. Oui, monsieur, au tympan de l'imaginaire. Mais je ne m'en rappelle plus. C'est pas rentré très, très profondément, donc. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et sous-boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Coco. Oh! Coco! Et on part pas là-dessus. On pourrait. Oublions les avoir. On dit coco. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'artiste Zaza Fournier. Zaza Fournier est une chanteuse de pop française née le 9 novembre 1984 à Paris. Elle s'appelle Camille. Zaza est un pseudonyme, bien sûr, née à Paris, comme je le disais, grandie à l'Oise, étudiante en théâtre. Zaza Fournier, auteur, compositeur, interprète, a étudié le violon avant de s'essayer à l'accordéon à l'âge de 19 ans. On l'entendait en chanteuse gouailleuse, oiseau des trottoirs parisiens de l'après-guerre, mais voilà que dans les c'est en revenant de l'ego. Alors, on voulait dire des pérégrinations parisiens de l'après-guerre, mais voilà que dans ces pérégrinations, Zaza s'est fait accompagner par l'intégrale des chansons de Roy Orbison, l'auteur de Blue Bayou. Blue Bayou. Et puis, guitariste et interprète majeur des années 60, Zaza a aussi écouté Christophe. Et j'ai crié, deux steaks mayonnaise bacon. Et puis, les paradis perdus de mon grand ami Christophe, avec leur prose de teenager culotté et leur dose de vague à l'âme. Elle étudie au cours Florent, en théâtre bien sûr, mais en 2013, en juillet, Errance Rénadienne se trouvait là à Paris pour rencontrer cet artiste des plus sympathiques et jolis. Le petit doigt en l'air, je regardais danser les glaçons tout au fond. Ma robe s'est froissée, plus rien n'est comme avant. Mon rimel a tourné, j'ai comme un mal de dents. Il faut que je m'échappe, mais ma chérie. Faire autrement sur scène, comme je l'ai dit. Exactement, c'est okay. Ce que je fais. Et le troisième. Le troisième, bon, j'imagine que ce sera une. Que je sais encore plus qui je suis, donc. C'est beaucoup plus. On va te retrouver beaucoup plus sur ce troisième album-là. Peut-être. Puisque tu as vécu des choses, tu as fait des tournées, tu as eu des rencontres, Oui, et puis c'est surtout, moi j'ai l'impression que plus j'avance, plus je suis exigeante d'une certaine façon, ah oui. Parce que mieux je connais mon répertoire, mon art, ton style, ton style aussi. Est-ce qu'un style ça t'a fourni? Je crois que... Une mécanique, une... Bah, moi j'ai du mal à le définir, mm-hmm. Mais j'adore quand les gens le font pour moi. J'adore okay. Quand on me parle de mon travail parce que je suis toujours... J'adore parce que d'abord j'apprends de moi. Et puis, en général, j'aime bien quand on me dit, on me le dit de temps en temps, que c'est difficile de comparer ce que je fais avec d'autres... que c'est... En général, on me dit, ah, tiens, ça, ce serait entre ça, ça, ça et ça, mais on a du mal à dire... c'est toujours une synthèse de différentes choses, quoi. Moi, j'aime bien qu'on puisse pas tout à fait... Que ce soit un peu compliqué de définir, ça me plaît. Parce que ça veut dire que... D'abord que c'est en mouvement et que c'est singulier. Est-ce que tu écoutes beaucoup de chanteuses, toi qui es une fille, est-ce que tu écoutes beaucoup de filles qui chantent, comme je sais pas Agnès Bill ou il y en a tellement que. Ouais, même ancien. Oui, il y en a beaucoup. Je mais il y a beaucoup, beaucoup plus de gars que de filles. Ouais, tu crois? Ben oui, oui, oui. Ouais. Ah, oui. Je l'ai beaucoup, beaucoup fait. Ok. Et en fait, bizarrement, depuis que moi je fais de la musique, j'ai besoin de me tourner de vers recul. D'autres. Oui, d'autres. D'autres. D'autres formes. Ok. Qui ne sont pas les tiennes. J'écoute moins de chansons, ouais. Ah. Ouais, moins de chansons. Ou alors des mecs morts, des mecs okay. comme Brel, évidemment. Okay. Brassens, Gainsbourg. Mais moins de nanas de ma génération parce que. Pourquoi ? Je sais pas en fait. Enfin, ça arrive, hein, mais. Mais Jeanne Chéral, exemple, qui joue à la radio, c'est ah, oh, oui, oui. Non, je l'ai beaucoup écouté. Ok. Mais plus depuis que t'es dans le même, dans le même bain. Je sais pas parce que. Si, ça peut m'arriver, mais je suis plus tournée vers des choses que je connais pas du tout, quoi. Okay. J'ai besoin d'entendre des choses absolument nouvelles et. Qui te rafraîchissent. Ouais, qui me nourrissent vraiment qui nourrissent un endroit qui est. Que je connais mal de moi-même, quoi. C'est-à-dire que. Maintenant, quand j'écoute de la chanson, en fait, j'ai un œil critique. Ah oui, ok. Tu sais, c'est comme un réalisateur qui va oui. au cinéma. Oh, il ne peut pas oui. s'empêcher de décortiquer ça. Et en oui. fait, c'est un peu fatigant, quoi. Okay. Donc moi, j'adore voir aller au concert. Ok. Ça, j'adore ça parce que finalement, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est l'art vivant, c'est la façon dont quelqu'un va transformer sa chanson et en faire un instrument de partage, un élément de partage. Mais écouter des disques, voilà, les disques d'Olivia Ruiz, de Jeanne Chéral, je vais écouter des jeunes nanas que je connaissais pas, qui sortent un premier album et tout ça, mais je peux pas m'empêcher d'analyser, donc okay. c'est un peu... Lourd. Ouais. Es-tu une féministe ? Je sais pas, en tout cas, je me sens... C'est pas anodin de faire de la musique quand on est une femme, en tout cas, c'est pas anodin quand on a conscience de la place... Que la femme continue de la place que continue d'avoir la femme dans certains pays du monde. Donc j'ai une vraie conscience de ça. Je pense que c'est une erreur. Enfin, je pense que les gens qui disent que être un homme ou une femme sur scène, c'est pareil. Donc, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que tant qu'il y aura des différences très concrètes et ici. Et d'autant plus ailleurs, mais ici aussi d'ailleurs, ce sera important d'avoir ça en tête. Après, j'en fais pas un combat quotidien. Hein, politique. Non. Mais après, je pense qu'être monter sur scène et prendre la parole, c'est un acte politique au sens large. Je crois. Je vais jouer ma vie comme un Monopoly. Errer toutes les nuits, chercher encore. Jouer aux armes à feu, tirer droit dans les yeux d'un vieux cow-boy miteux. Et dire tellement. Je serai recherché, le shérif du comté sera prêt à me faire la peau. Pour une poignée de dollars, je prendrai l'autocar clandestine jusqu'à Mexico. J'ai changé d'avis, je ne pars plus. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Et si on sortait tard, on fumerait des cigares à nos rêves perdus. griffes dehors, moi dedans ta nuque, boire de ton joli cou, comme un rubis perlé de sang. Je te dirai les mots les plus abominables.

absente, Iris, absinthe, babydoll, écoute ses idoles. Jimi Hendrix, Elvis, Presley, T-Rex, Alice, Cooper, Lou Reed, les Rolling Stones, elle en est folle. Là-dessus, cette narcisse se plonge avec délice dans la nuit bleu pétrole de sa paire de Levi's. Elle arrive au pubis et très cool au mantle. Elle se self-contrôle son petit orifice. Enfin, poussant le vice jusqu'au bord du calice. D'un doigt sexe symbole s'écartant la corolle. Sur fond de rock'n'roll s'égare mon Alice. Au pays des malices de Lewis Carroll. Pas un peu féministe, oui, ou même de façon politique, même si on prend pas la parole sur des sujets politiques actuels, de toute façon, même ça, tout est politique, ne pas se situer, c'est déjà politique quand on est sur scène, ouais. Puis même dans la vie, tout est politique de toute façon, ouais. Donc, bien sûr que je peux me sentir investie. Bah, je sais pas, moi je me rappelle les premières fois que je chante. Tu connais la chanson Mademoiselle, oui, qui est sur le premier album. Oui. Quand j'ai commencé à la chanter, je me rappelle d'une des premières fois, il y a des mecs qui se sont mis à huer hyper fort dans la salle parce que je racontais l'histoire d'un homme qui voulait être une femme. Mais c'était hyper violent et moi j'étais très choquée parce que bon. Voilà, je suis née à Paris, il y a quand même, a priori, en tout cas, moi c'est ce que je me racontais, une forme de liberté de vivre ici. Quoique les derniers événements liés au mariage pour tous ont bien montré qu'il y avait quand même, en France et à Paris, encore des gens très très opposés à la liberté des autres. D'extrême droite, hein. Bah ça, c'est sûr. Ouais. Mais enfin, pas que d'ailleurs, pas que d'extrême droite. Bref, ce que je veux dire, c'est que ça m'a jamais autant donné envie de la chanter. Et puis de me situer et de dire, bah ouais, non mais bien sûr que du coup, si je peux aider à faire avancer un tout petit peu les mentalités à ce niveau-là, à mon niveau, à mon petit niveau microscopique, ouais, bien sûr que je le ferai. C'est... Est-ce que tu es encore en phase d'écriture pour le troisième ou tout est bouclé? Ah, des milliards de questions. Je suis en pleine question de comment je veux que ça sonne, avec qui j'ai envie de le faire, de comment le faire. Après. Mais dans les mots, est-ce que tu crois que tu vas en parler de ce que tu viens de me dire là au niveau ce qui t'a influencé récemment avec le mariage mix et, ou tu veux pas en parler encore, c'est trop frais, t'es pas à l'aise avec le sujet. Non, c'est pas une question d'être à l'aise, ça c'est encore que oui voilà, ça il y a toujours une espèce de délai finalement, les chansons là, ça fait un petit moment qu'elles sont là. Après, okay. Il y a encore des nouvelles chansons qui sont en train d'émerger, mais ça pourrait avoir t'as raison. Peut-être. Je mais c'est peut-être pas. Trop récent. Mais voilà, c'est un peu. Pour qu'elle le recule. Ouais, exactement. Sinon tu vas sentir que c'était pas vraiment ça que tu voulais dire. Ça, je sais pas, mais en fait, les chansons là que je suis en train de fignoler, c'est finalement des chansons qui existent maintenant depuis quelques mois, tu vois. Donc, le mariage pour tous, c'est très récent dans le temps. Donc, mais tu me donnes des idées, t'as raison, je pourrais faire une chanson là-dessus. Ben oui, ouais. Ben oui, parce que en plus, si ton album sort d'ici 9 mois, ça risque d'être assez récent. Donc, les gens veulent entendre au même titre que lorsqu'on achète un journal, on veut lire ce qui se passe. Donc, un disque, c'est aussi la réalité. D'une époque, quoi, témoigner d'une époque. Ben oui, ben oui, ben oui. C'est marrant, là, je chantais pour. Tu connais l'ONG One? Oui. Donc, il y a eu toute une campagne qui s'appelait En scène citoyen. Oui. Et donc, j'ai chanté dans ce contexte-là une chanson de Renaud, Hexagone. Ah oui. Donc, bah, typiquement, là, cette chanson, elle est incroyable parce que c'est vraiment. Tu le jouais à l'accordéon aussi? Mmh. Ah, c'est. Mais qui n'est pas disponible. Sur YouTube. Ah, on si, peut sur YouTube, ouais. Est-ce que le son est intéressant? Ouais, c'est bien, c'est bien. Ok, ça peut être radio-diffusé. Ouais. Ah, ok. Ouais, ouais. J'ai envie d'écouter ça. Et c'est marrant parce qu'à la fois, il y a encore des choses très, très actuelles. Hein, et en même temps, c'est vraiment un témoin de l'époque. Un arrêt sur image. Ouais, ça, c'est génial, je trouve. Et ça, t'aimes ça, toi aussi, sur une chanson, faire un arrêt sur image comme une photo? Ben, je trouve ça. Oui, je trouve ça fort. Et en même temps, je pense que les chansons les plus fortes, finalement, c'est celles qui vieillissent pas, qui sont intemporelles. C'est ça, j'allais dire, ça n'a pas trop changé. Voilà. Mais en même temps, cette chanson-là, elle est très émouvante parce qu'on est. C'est comme regarder un. On voit des images défiler, quoi. Oui, on est encore rendu là, c'est ça qui est triste. Ouais. On est encore rendu là. On n'a pas évolué, en tout cas pas beaucoup. Un tout petit peu, quand même. Si peu. Mais c'est une belle chanson, là. 24 années. C'est quand même. Si on a avancé, c'est même pas un pas, un demi-pas. Ouais. Ouais. Ah, j'ai 10 questions. Hey, on vient de s'ouvrir. Ça fait 10 minutes. C'est bizarre. Si tu étais un liquide. Un liquide? Oui. De la vodka. OK. Pourquoi? C'est ton petit coup. Un liquide. Un café. Un café. De la vodka. De la vodka, ouais. C'est ton petit côté russe. Ben, j'ai passé beaucoup de temps dans l'Est, là. OK. Et non, je sais pas, parce que la vodka au début c'est bon et puis à la fin ça fait mal à la tête. Oui. Bah c'est comme moi. Et la terre tourne, donc tu t'en rends compte après. C'est ça. Told if you want to make it in this game, gotta have the luck, you gotta have the look to make what I'd quite like to make it through the night. My heart beats slow fast, don't feel right. The slides of hand, I might die. What about you over there? Well, do you think I care? Well, I know, you know, I know, you know, I know. And to the man who would be king, I would say only one thing. And to the man who would be king, I would say only one thing. Today, I lived it yesterday, and I have lived it tomorrow. I don't look at me that way. Well, I hear the words you say, but my heart is gone astray. When you watch friends who slip away, but there's a death that's not to be that way. I live my dreams today, I lived it yesterday, and I'll be living yours tomorrow. Anything else to say? I live my dream today, my I lived it yesterday, today. And I'll be living yours tomorrow. So don't look at me that way. What's about you, Nancy, my dear? What's about you, Nancy, my dear? What's about you, Nancy, my dear? What will you do when she comes here? If she'll kill me, then the other one will kill me. And to the man who would be king, I will say only one thing. And to the man who would be king, I will say only one thing. La la la la la la la la la la la la. Je la sens, l'errance rénaldienne, sur CKRL 89.1 à Québec, débité par Rénald Gagné. Di vedere le parole che muoiono, stanco di vedere che le cose non cambiano, stanco di dover restare allerta ancora, respirare l'aria come lama alla gola. Di vedere che le cose non cambiano, stanco di dover restare allerta ancora, respirare l'aria come la malla gola. Andare a piedi fino a dove non senti dolore, solo per capire se sa ancora camminare. Il mondo un corpo coperto di lividi, i miei pensieri sempre più vividi. Corpi sulla strada che si lasciano affittare, tavole anatomiche da saccheggiare. Corpo perfetto, corpo immortale, il corpo è la frontiera che si può violare. We'll be right back. chiari sogni, che sembra un film dove tutto è deciso, sotto ad un cielo di un grigio infinito. Panique, 7 ans de nique, putain de micmac, ta gueule en brade à Stalingrad. Sur le tarmac, mec et mac, trinque et traque, braque et troc, des météores. Rolling bones, flaming stones, la nuit passe. Rolling bones, flaming stones, la nuit pince. 4 du mat, dernière latte. Et dans son lit, Lily dort. Lily dort. Maniaque, panique, insomniaque, l'aiguille pic-tac, tic, stomac attaque, tic-tac, c'est déjà l'heure. Première sueur, il faut que ça passe, il faut que ça passe, c'est déjà l'heure. Première sueur, vite, un taxi, se foutre un maxi dans la carcasse, il faut que ça passe. Crac, maniaque, panique, cherche son X, rack la taxe, fax en fixe et dans son lit. Maniaque, panique, pour un moment, le cœur au calme, balance, cerveau napalm qui danse sur le trottoir, baffe ses rêves, crame, crève, brève trêve, jusqu'à demain, jusqu'à demain. Rolling bone, flaming stone, tape un stick, rolling bone, flaming stone, sur les sticks et sous la pluie, rentre chez lui et dans son lit. Lily, tu dors ? Si tu étais une ville. Une ville ? Oui. Je serais une ville hybride entre Marseille et Paris. Ah ! Ouais. Marseille pour. Je mélangerais Paris avec la mer. Bah, Marseille pour le bordel, la mer, l'accent et les calamars frits. Paris pour les cafés, l'ambiance. Ici ça dépend. Là ça va à cette heure-ci, je suis arrivée pas trop. Mais le samedi c'est incroyable. Je trouve qu'ici ça commence à devenir une caricature de Paris presque. Ouais. Moi je préfère finalement. Il y a des endroits de Paris un tout petit peu plus méconnus qui m'inspirent plus. Okay. Mais bien sûr, la rue Le Pic et tout ça c'est très joli, mais bon, je vivrais pas ici quoi. Si tu étais une langue. Une langue. Le japonais. Pas facile, hein, ça prend une vie pour, même deux vies pour l'apprendre. Ouais. D'ailleurs, je ne le parle pas du tout, je ne le comprends pas, rien du tout, mais je trouve qu'il y a une espèce de. De chant de, pas de. Il y a une espèce de. Comment dire De théâtralité dans la langue. Voilà. On a l'impression que tout est terrible quand on entend le. Un japonais, pareil, j'ai l'impression que. Une espèce d'enjeu dans tout ce qu'il dit et de. Un peu comme de l'allemand. Hein. Un peu comme l'allemand, on sent que le type est en rogne, même si. Mais bon, si l'allemand, je l'ai étudié à l'école. Ah, ok, je pense là, que ça m'a un peu. Ouais, là, ça t'aime. Mais voilà, moi, j'ai un côté comme ça, un peu à vivre tout avec beaucoup de diversité. De gravité. Ouais, puis non, mais d'enjeu aussi, de gravité. Okay. Je suis une fille assez grave, en fait. Grave dans le sens, tu sais, tout est important. Okay. Je trouve que le japonais, il y a un côté comme ça. Ah oui, c'est investi, ça. Investi, quoi. Ah oui. Qui part de là. Oui, l'épée, exactement. Si tu étais d'une époque. Ah, la mienne. Ok, tu es très à l'aise. Mais en tout cas, je trouve ça navrant, les gens qui disent que c'était mieux avant, parce que finalement, les gens ont toujours dit que c'était mieux avant. De tout temps, ouais, bon, ça va quoi. Il y a des choses très difficiles à vivre et à projeter aujourd'hui, mais je pense que c'était pas plus drôle en temps de. En 1944, enfin tu vois, bon. Il y a un moment, faut aussi être heureux de la façon dont on peut vivre notre vie aujourd'hui, de la liberté en tout cas en France. Ouais, ça va. On n'est pas trop à plaindre quand même. Non. Si tu étais un mot. Un mot ? Ouais. Un mot. Je peux pas en être qu'un. Je serais. Mais quel mot tu serais pas ? Ah, quel mot je serais pas ? C'est la première fois que je la pose, pourquoi pas ? Purulé. Ok. Ça, même dans la bouche, ça purulé. C'est pas beau. Ouais. Ouais, purulé. Purulé, non. Ouais. Je serais pas celui-là, c'est sûr. Ok. Si tu étais un aliment. Un animal ? Non, un aliment. Un aliment ? Oui. Je serais. Je serais un chewing-gum ? Ah, ben oui, ben c'est ce que tu as actuellement dans la bouche. Okay. Un clin d'œil aux années 60. Ouais, voilà. J'aime bien la dégaine que ça. C'est comme j'ai un pote qui a tout le temps un cure-dent dans la bouche depuis qu'il a regardé le film Drive là. Ok. C'est un côté comme ça, c'est un côté. Lucky Luke aussi. C'est presque, ouais, c'est comme la clope de Lucky Luke, quoi. Lucky Luke, c'est une. Non, ça a été changé. Ça a été changé. C'est maintenant rendu, je sais pas quoi. Un épi de blé. Ouais, c'est ça, exact. T'as raison. Exact. Mais avant, c'était une clope. Oh oui. C'est grave. Mais c'est presque un accessoire, le chewing-gum. Oui, mais modifié pour la. Ouais. On est rendu là. Si tu étais une saison. Bah oui, le printemps. Parce que Moi j'adore, je plante plein de graines sur mes fenêtres, j'adore jardiner, mais j'ai pas de jardin donc je fais ça dans mes jardinières. Et vraiment le printemps, quand je vois ces petits êtres sortir de la terre et grandir et devenir des choses magnifiques, je trouve ça hyper émouvant, c'est un des trucs qui me satisfait et qui me calme le plus dans ma vie. Ah mais c'est peut-être le petit côté futur maman en toi. Ah oui? Ben oui peut-être. Mais pas futur, tu sais. Ah tu es maman? Ouais. Donc, ouais. Ça a à voir avec ça, faire ça avec mes enfants, voir ça grandir, prendre soin de ces petits êtres vivants, ça me plaît beaucoup. Le printemps, ils vont progresser. Ça fait beaucoup. Ouais. Ah, c'est magnifique, mes fenêtres, elles débordent. Ah oui. Ouais, j'adore. Des dessins, plein de choses, c'est ça? Ouais. Ok, ah, c'est bien. Si tu étais un membre corporel? La bouche? Pour parler, pour embrasser. Ah, bah, pour rouler des pelles, pour parler, pour bouffer, chanter, pour manger, j'adore ça. Ok. Ouais. Si tu étais un moment de la journée? Le matin, très très tôt. La lumière du matin, ça me... C'est ça. C'est très beau, c'est très émouvant. Un peu comme du tronc, ouais, avec un Paris soleil. Ouais. Là. Ok. Là, en ce moment, c'est vers... J'aime bien, moi, le soleil qui se lève sur les lignes de chemin de fer. Ah oui. Cette en lumière-là... Ville, c'est bien. En ville, c'est... C'est magnifique. Ouais. Un jour, je serai une icône. Baby, silicone. S'il faut, j'y mettrai le prix. Silicone, baby. Un jour, je serai une icône. Baby, silicone. S'il faut, j'y mettrai le prix. Silicone, baby. Costard trop petit, rien à sa place. J'ai le miroir qui a perdu ma trace. Je ressemble à rien, je ressemble qu'à moi. Pas vraiment bien dans ce film-là. Sous mes paupières, dans mes fanzines, je recherche mon faux air de Marilyn. Quelques détails pour être raccord. Il faut que je taille dans le décor. Un jour je serai une icône. Baby, silicone. S'il faut j'y mettrai le prix. Silicone, baby. Un jour je serai une icône. Baby, silicone. S'il faut j'y mettrai le prix. Silicone, baby. À mes lèvres facsimilées, quelques retouches au sécateur, au coin de la bouche comme une fleur. Ascadil doc, y a qu'à me piquer, taillé dans le bloc, à plastiquer. Il faut ce qu'il faut pour être belle, jouer du couteau et du scalpel. Un jour je serai une icône. Je serai une icône, baby, silicone. S'il faut, j'y mettrai le prix. Silicone, baby, s'il faut, j'y mettrai le prix. Silicone, baby, s'il faut, j'y mettrai le prix. Silicone. D'errance en errance, avec Rénald Gagné, sur CKRL, le 89.1 à Québec. Oh, oh, oh, oh, Allô, ça va? Oui. Est-ce que je peux m'approcher du micro, monsieur, monsieur Grenier? Croyez-vous que je suis... Dites-moi. Oui. Êtes-vous l'enfant terrible de la radio? Terrible est un terrible mot. Mot. Est aussi un terrible mot. Ensuite, le reste... Je ne m'en rappelle plus. Mais je dirais dans l'ensemble que non. Que dalle, que non. Que non, que dalle. Le nom de code, que dalle. Oui, la chanson de MC Solar, le nom, mon nom de que dalle. Le monde de que dalle. Le monde de que dalle. Le monde de que dalle. Le monde de que dalle. C'est pas de MC Solar. Qu'est-ce que tu connais, toi, au rap solar? Écoutez, monsieur Gagné. J'ai eu pendant 3 ans un salon de bronzage, alors je connais le solar. Et je vous dis que coucher est beaucoup moins efficace qu'à la verticale. Parce que là, dans ma tête, je faisais l'horizontal. Quand je dis horizontal, je me place dans les clichés des films de Sergio Leone. Ah, sentez-vous Sergio? C'est Sergio! C'est Sergio Leone! Tout, tout, tout, tout, tout! C'est pas ça du tout! Tu me chantes Love Me Tender, non, mais non. Ben oui, Love Me Tender. C'est pas Sergio Leone. Ben, Sergio Leone, c'est... Arrête donc. Non, mais j'ai cette idée-là en tête, excusez-moi. C'est une mélodie que je ne peux pas me décrocher. Mais je vais m'en aller dans la liste de Sergio Leone, vous allez voir. Vous allez entendre. Le visuel parle et l'auditif écoute. Le visuel parle, en tout cas, laissez faire, vous ne comprendrez pas, là, puis vous n'êtes pas assez intelligent. Hein? Ouais. Il faut avoir le décodeur, puis on n'est pas branché, puis le GPS est dans le canal. Saint-Joseph. Ouais. Non, alors, je vois Love Me Tender. Ouais. On s'arrête dans quelques minutes et on vous revient après le dégénérique. Ouais, c'est le Sergio Leone, hein? Ouais. Je peux pas me décrocher de ça. Excusez-moi, madame le public. Extra mayonnaise. Et puis j'aimerais que lorsque je morderai, dans ce pain, parce que le pain est signe de vie, de corps céleste. Oui, mais imaginez-vous, madame, qui a ouvert le son. Là, maintenant, c'est bien. Il est tard, les voisins vont me dire, il est minuit 54, madame. C'est l'heure de vous la fermer. Ah oui, mais c'est pas lui, c'est lui. On m'a arrêté de trouver des amas. C'est pas un amas, c'est le gars de la radio. Ben, oui, arrêtez de vous faire inviter du monde de la radio, des vedettes de la télé et de la radio, là. Parle d'une... Restez donc simple, prenez du vrai monde, là, du pauvre monde. Arrêtez de monter au niveau de la vedette. Vous allez arriver à un moment donné avec Marilyn Monroe. Ben là, ça me surprendrait. Ben voyons. Ça me surprendrait. Écoutez, vous valez Marilyn Monroe. Ben oui, mais parce que Marilyn, il y a un petit problème. Bon, il y a un problème. Une fois qu'il aura pris ses antibiotiques, il sera fonctionnel. Non, non, c'est parce que c'est pire que ça. Ben voyons. C'est pas la moissonneuse-batteuse. Mais non, il est mort. Oh, Marilyn Monroe est mort. Oh non! Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bord. Laissons-lui nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Imaginez-vous. Arrêtez de vous imaginer. Non, mais les gens qui montrent aux étudiants l'art de la radio, sans doute que mon émission est diffusée. Pour ne pas que ces étudiants-là prennent ces exemples-là, j'avale ma salive pendant que je vous parle. C'est totalement inacceptable. Monsieur le Président, c'est inacceptable. J'aimerais que cette émission-là soit retirée pendant 5 secondes de l'horaire. Mais êtes-vous certain? 5 secondes. Oh non, on la retire 5 secondes. Mais là, je ne sais point. Le point, si vous ne l'arrêtez pas, vous l'aurez dans la bouche. Ah, oh, mais mon doux, je me suis fait poser 3 500 $ de prothèse. Ben, on l'arrête 5 secondes. La prothèse, non, le son. OK. Voilà la pénitence. La pénitence. Pénitence. Péni. Péni. Madame. Madame. Pour le bien fondé de mon émission, j'aimerais quelques pénis. Péni. Penny rain, I want the rain, I want the run around. Je vous dis, je suis un anglophone totalement débridé. Je connais aucun mot en anglais, à part les rudiments. Puis certains termes, je me les refuse au cervelet, parce que je me dis, je me ferai pas assimiler. Le haut, ouais, je sais. Il y a le haut puis il y a le bas. Mais le haut Canada avec le bas Canada, on sait que ça ne pourra jamais fonctionner. Qu'on se le dise, madame. Hein? Qu'on se le dise. Merci, madame. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bord. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. C'est moi, j'ai postillonné. Et puis là, oui, je sais, je fais des anglicismes, sans le savoir. Oui, je parle aussi sans le savoir. Oui, je fais des émissions aussi sans le savoir. Je vis également sans le savoir. Merci. Oui. Merci. On continue. Hein? Oui, ils sont bloqués, madame. Oui, c'est des allergies internes, post-termes, pestermes, posthumes. C'est des grippes posthumes. Ils vont arriver plus tard. Alors, compte les nouvelles. Oh là, j'écoute la femelle et puis je m'endors. Hé, tchia, j'ai sorti poubelle. Poubelle, oui, tu es la poubelle du monde. Hé! Brel, c'est Brel, Brel, en parlant de Brel, hein, poubelle, c'est Brelien. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Non, ce n'est pas une émission en... Comment vous allez, hein? Brel, c'est un nain... Bon, c'est pas un nain, mais il disait le cheval. Quand j'étais cheval, je n'étais pas un nain. Sa dernière chanson à l'Olympia de Paris, en 66. L'Olympia de Paris, 66. S'il vous plaît, rappelez-vous ça, voyons! Clémence Desrochers, 2014, le retour sur scène, là... À pas programmer Québec encore. Puis là, j'ai pas hâte parce que quand je vais vouloir avoir son billet pour Clémence, il n'y en aura plus de billets. Là, je vais être obligé de quêter son musicien que je connais, l'accordéoniste. Là, l'accordéoniste, oh, je te connais pas. Hé, hey, monsieur, je t'ai acheté ta cassette quand tu étais nouveau dans le milieu, là, quand tu faisais 2 sons de violon pour l'enregistrement, je l'ai acheté ta cassette. Peux-tu avoir un billet de Clémence? Moi, t'as le payé, moi. Je veux pas l'avoir gratis, je veux avoir une place. Mettez-moi un bain avec un clou dedans, je vais m'installer là-dessus, ça me dérange pas, moi. Mais je veux voir Clémence en 2014, s'il vous plaît, au moins deux, trois fois. Bon, la phrase de Bukowski. Jack Handley a pris l'escalier de l'Italie et qui s'est... Jack Handley a pris l'escalator en direction de la bavette. Excuse-moi, mon gros champion. Oui. C'est pas bavette, c'est buvette. Burette. Burette, excusez-moi. On recommence. On recommence. Jack Handley a pris l'escalator en direction de la buvette. Ouais. Quel étage, non, pour la buvette? Quel étage? Il y a combien de monde? Il y a 12 étages. Mais moi, je suis tout petit. Comment je peux me rendre? Je peux pas me rendre à 12. Je suis tout seul dans la toile. Il y a un téléphone, mais il est trop haut, le téléphone, je ne peux pas appeler pour dire qu'il y a un monsieur qui me... Il n'y a pas de monsieur, il n'y a personne, je suis tout seul, je suis tout petit. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui dit « Maman, quand on l'a testé, je suis tout petit. Je suis tout et tout petit en plus, je suis en peluche, oh mon dieu, hey, quand les gens vont ouvrir, ah, je suis en peluche, ils vont refermer, je pourrais jamais aller aux 12. La buvette est aux 12, oh mon... Je vais attendre. Non, je suis très patient, là. On dirait que je m'égrène. Je m'égrène. Jean-Guy, je m'égrène. Non, c'est pas celui-là. Non, ils vont faire les politiques. Jean-Guy, je m'égrène. C'est pas je m'égrène, c'est mon graine. Ma graine, mon graine, ma graine. Ah oui. Oh, mon Dieu. Oh non, mais on va passer le temps. Pour passer le temps, je chante. Je chante. Je manque de voix, mais arrêtez de chanter. Il faut que je boive un peu d'eau. Puis en plus, je sais même pas si l'eau que je vais boire en haut dans la buvette risque d'être comestible. C'est vieux, on est à New York. C'est une vieille cambuse. Il y a plein de fous qui habitent là, on appelle ça des bulles dingues. Quel humoriste qui a dit ça, donc c'est des bulles dingues. C'est un franc. Non, c'est pas Raymond DeVos. Des bulles dingues. Peut-être même... Ah non, je crois que c'est Marc Favreau. Notre seul. En tout cas, bref. Marc Favreau, oui. J'autorise Marc Favreau à avoir dire bulles dingues pour moi. Ah, c'est des bulles dingues. Les gens sont malades, sont fous. On va être... Oh, il y a une mademoiselle. Elle est toute petite. Mais elle a une grande valise. Peut-être que je vais monter sur la valise. Bonjour, mademoiselle. Non, j'attends depuis 25 minutes. Oui. Parce que je suis allée au dos, mais je suis trop petit, madame, mademoiselle. Pouvez-vous... vous aussi, hein? Ouais. Là, la porte est fermée, puis on est seuls ensemble, puis je sais pas comment faire. Excusez-moi. Pouvez-vous me monter sur le dos, puis aller peser sur le dos? Oh, vous pouvez faire mal aux gens. Ah, mon Dieu. Ouais. Oh, vous avez des souliers à talons hauts dans votre valise. Ah, pouvez-vous les mettre? Vous avez mal aux pieds. Est-ce que je peux les mettre, moi? Bon, OK, ouvrez votre... Bon, hey, c'est rose fluo, là. Et heureusement qu'on est tout seul, hein. On passe pour des fous. Mais je suis malade. Je pense que je vais mourir. Je vais mourir. Je suis mou, hein. Ah, mon Dieu, je suis même pas... Je vais me défaire en montant. Oh, moi, là. Ah, c'est... Aidez-moi, madame. Mettez-moi... Vous connaissez vos souliers? Rentrez-moi ça dans les pieds, bon. Oui, on a 6 points de différence. Oui. Mais je les étirerai pas, là. C'est juste pour me grimper. Oh, mon Dieu, je me sens mal, ça tourne. Hein? Pardon? Oui, vous allez vous marier. Ah, mais félicitations. Ah, oui, c'est le premier mariage homosexuel avec deux femmes. Ah, bravo. C'est quoi, ça, des homosexuels? C'est quoi, ça, des... Félicitations! J'espère que vous allez avoir beaucoup d'enfants. Enfin, en adopter. En tout cas, je vais vous donner mon numéro de téléphone. Je m'égrène. Excusez-moi, je m'égrène. Je m'égrène. Égrène. Non, c'est pas mon nom, moi. Moi, c'est... Ouais, on va en parler tout à l'heure. Passez-moi vos souliers. Mettez-les. Ouais. Excusez-moi. Change de personnage. Comment? Ouais, je suis bicéphale. Maladie mentale. Premier étage. Mais là, 12e pour avoir la buvette, s'il vous plaît. J'ai soif. Tu parles d'une idée aussi, c'est... Ben oui, c'est mon ancienne épouse. Elle m'a fait manger des biscuits soda, des biscuits secs, des biscuits pas de crémage. En fait, quelque chose qui fait du don de soif, puis elle m'a mis dehors parce qu'on s'est chicané. Ben oui, alors, à ton laveur, puis je dis, hey, arrête de le laver, c'est pas toi qui lave, c'est lui qui lave. Ah, rien qu'on... Ben oui, mettez-moi vous sur... Ben, je sais, on revit des... D'accord, c'est... Bon. Pouvez-vous m'aider, montez-moi. Je n'ai jamais mis ça des talons hauts, sauf le vendredi soir, mais là, je ne m'en rappelle plus. J'étais dans des trans. Voilà. Ah, merci à moi. Bon. OK. Et là, je me rends au 9, mais pas au 12. Oh, mon Dieu, comment faire? Après 9, c'est 12, mais non, après 9, c'est 10. Aïe, aïe. Mais, pouvez-vous monter sur moi? Vous êtes beaucoup plus légère. Vous êtes légère. Pardon? Moi, je suis lourd, vous êtes légère. C'est ça, je manque d'eau. C'est bien chanceux que je parle encore. Moi, là, je garde, j'ai la corde bocale qui débloque. Hein. La corde bocale qui débloque. Bon, c'est ça. Oui. OK, montez. Oh, montez sur moi. Montez sur moi. Montez sur moi. Pas moi. Bah... Si j'étais pas moi, je serais mon frère. Ok. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a ton frère? Bah il est génial, il finit ses études de médecine, un truc que je pense que j'aurais été incapable de faire. Les hautes études. Ah bah c'est incroyable. C'est, ouais, c'est cinglé. C'est un des trucs qui m'impressionne le plus, je pense, au monde. Les gens qui se destinent à sauver les autres, soigner les autres comme ça, aider les autres, être tellement dans l'empathie que tu vas en faire ton métier. Ouais. Et mettre tes mains vraiment au service du monde, quoi. Putain, et donner 10 ans de ta vie pour étudier. Ouais. Et parce qu'il a rien fait d'autre, quoi. Là, ça fait 6 ans, il vient de passer le concours, on attend les résultats d'ici 3 jours. Ouais, je serais mon frère, en plus un mec, je serais un mec. Si c'était pas moi, je serais un mec, je pense. Pour vivre autre chose. Et ton frère est quand même pour toi, c'est ton frère est plus... petit frère. Ah, oh, ok, plus jeune. Ouais. Ok. Bah, il est beau, il est talentueux, il est drôle. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Ouais. Oui. Pareil, ouais. Sans rien modifier, non. Ni dans ta vie professionnelle, ni dans ta vie amoureuse. Non, mais ça, j'ai le temps de changer des trucs si je veux encore. Mais à l'heure où on se parle, jusqu'à... Non, je ferais tout pareil. Ok. Tout pareil. C'était dément. Jusqu'à présent, c'était dément. Ah oui? Alors, ah ouais. Tu es fière de ta vie actuelle? Enfin, fière, non, pas fière. Je suis heureuse de ce que je... De ce qui m'a été... Est-ce qui m'a été donné de vivre, est-ce que j'ai choisi de vivre aussi, parce que ça va ensemble. Je trouve que ouais, j'ai pris des bonnes décisions et j'ai eu du pot. Donc les deux combinés, pas mal. Mais ça s'entend dans tes chansons aussi. Ouais. Dans tes albums. Ouais, ben oui. Ben oui, c'est pas la fille qui est frustrée, la fille qui souffre. On sent vraiment, comme je te disais tout à l'heure, l'ouverture vers. Bah, y a des jours où c'est pas marrant, il y a des jours où c'est marrant, mais en tout cas. Oui, mais dans l'ensemble. Parce non, que c'est certain que. C'est fou, hein. Quand je fais le bilan, je me dis que... Tu en es fier. Ouais, j'ai même un peu peur de ce qui... Ce qui va arriver. Oh, oui, c'est ça, tu as de la pression. Peut-être que tu te mets une pression. Ouais, bon, je sais pas, mais en tout cas, c'était bien. Es-tu déjà passé à Québec? Au Québec? Ouais. À Franco de Montréal? Oui, ok. Ah oui, ben ça, il n'y a pas si longtemps, il y a un an et demi. Pas très longtemps. 2 ans? C'était il y a 2 ans? Oui. Non, un peu plus. Ah, peut-être, je sais plus. Ouais. Oui. C'était génial. Pour ton deuxième album, je crois. Oui. Non, c'était le premier. Ah, encore. Le premier, hein? Donc c'était il y a peut-être un peu plus longtemps. Ok, ouais, il y a longtemps, ouais. C'était génial. Il y a eu 3 concerts. À quelle place? Au Métropolis? Club Soda? Alors moi, j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Ok, ok, donc laisse tomber. Moi, okay. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'arriver dans une salle et qu'on me dise que j'avais déjà joué là. Et C'était tout nouveau pour toi, là. Ouais, ça me fait un peu peur. Ok. Parce que je retiens. J'ai vraiment une mémoire. J'oublie les prénoms, les lieux, les dates. Mais je me rappelle. Très bien, je visualise très bien, je vois les gens. Il y a eu un concert en extérieur où il y avait beaucoup de monde, c'était génial. En plus, c'était incroyable parce que j'ai vu arriver au bout du public, très très loin, une fille qui était en fait ma meilleure amie quand j'étais toute petite en primaire, que j'avais pas vue depuis. Et tu l'as reconnue, non? Je l'ai reconnue, ouais. Ah ouais? C'était incroyable. Après, j'ai fait un concert dans une espèce de petite salle, un peu rock, cabaret, machin. Et après, dans un bled, carrément, on a pris la caisse et on s'est retrouvé dans un patelin. C'était... Il y avait peut-être 10 personnes dans la salle. Mais c'était hyper drôle. Un des concerts les plus... Baroques. Ouais, n'importe quoi. Mais c'était très cool. Mais tu t'es donné comme s'il y en avait 400. Ah bah ouais. Bah sinon, c'est affreux. Sinon, t'as envie de pleurer, de rentrer chez toi. Ah oui. Autant en faire un moment historique, quoi. Pour ces 10 personnes-là. Ok, oui, c'est vrai. Pour qu'ils puissent revenir parler. Et dire, attendez. J'ai vu quelqu'un de dément. C'est ça. Malade. Elle s'imaginait que nous étions 3000. Ah oui, c'est ça. Mais grave. C'est ça. Je crois qu'elle commence un métier. Mais donc, tu veux revenir à Québec, au Québec. Ah, j'adorerais. Avec ton troisième album, pourquoi pas. Moi, j'adorerais. Mais c'est une belle carte, une belle carte. Puis avec Internet. Ça va m'aider. Ben oui. Mmh. Ben, ça aide beaucoup d'artistes. Mmh. Ben, Zaza, ça m'a fait plaisir de t'accueillir. Mais moi aussi. Puis, écoute, on se retrouve à Québec. Allez. OK, ben, Tourlou. Comment tu dis? Tourlou. Tourlou. Oui, ou à la revoyure. Allez, moi je dis, à la prochaine. J'aime bien la prochaine. À la prochaine, oh, oui, mais c'est classique, ça, à la prochaine. Comment on dit, en Ukraine, on dit paka paka. Paka paka. C'est joli. Oui, on bye prend bye. Une photo de la fin. Paka paka. Paka ouais. Paka, OK. Ouais. Mettre. Je suis même pas sûr que ça fonctionnait parce que... Disons que c'est un combo... Ouais, mais parce que c'est pas celui-là normalement, mais j'ai oublié à l'hôtel. Mais c'est mon deuxième, on sait jamais. La route secours. Oui. Merci beaucoup. À la revoyure. Ouais, à plus. Salut. Puis je vais t'envoyer le lien sur Internet. Ah bah ouais, n'hésite pas. L'intégrale, sans l'émission, et je vais t'envoyer lorsque l'émission sera diffusée pour voir de quoi il en retournera. Ok. Merci. Merci salut, beaucoup. Man. Salut. Bonne continuation. Écrire à votre animateur Reynald Gagné via le courriel au reynaldquebec@hotmail.com ou vous joindre à son réseau social Facebook en tapant Reynald Gagné ou Errance Reynaldienne. Kevlar on wrong, I guarantee you'll meet up with a suicide bomb. Hell broke loose. Hell broke loose. Big fucking ditches in the middle of the road. You pay $100 just for filling in the hole. Listen to the general every goddamn word. How many ways can you polish up a turd? And left, right, left, left, right, left, right. Hell broke loose. Hell broke loose. Hell broke loose. How is it that the only ones responsible for making this only us is able to a goddamn desk. And hell broke loose. Hell broke loose. Left, right, left. What did you do before the war? I was a chef. I was a chef. And what was your name? It was Jeff. Jeff. I lost my body and I wept. Wept. I come down from the meth. So I slept. Slept. I had a good home but I left. Left. Pants did the wind for a joke. I pants right in with the dope. Glanced at her shin, she said nope. Hope. Left, right, left. Nimrod Bogfish, have you any wool? Get me another body bag, the body bag's full. And my face was scorched, scorched. I miss my home, I miss my porch, porch. Left, right, left. Can I go home in March? March. My stance was a chin full of soap. That rancid dinner with the Pope. And left, right, left. Cali Prosciutto got his thumbs blown off. Sergio's developing a real bad cough. Sergio's developing a real bad cough. And hell broke loose. Hell broke loose. Hell. Boom went his head away and boom went Bowery. Oh, what the hell was it that the president said? Give them all a beautiful parade instead. And left, right, left. While I was over here I never got to vote. Chers amis, si, si je vous ai bien compris, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.